Chapitre 8. La mère Michel à la recherche de son chat. Plusieurs jours se passèrent dans une pénible attente, mais, comme le général Malbrot, le chat Moumoute ne revint pas. Le désespoir de Madame de la Grenouillère fut vrai, profond, sans cris, sans éclat, d'autant plus violent qu'il était concentré. Elle se rappelait sans cesse les gentillesses de Moumoute, son bon naturel, son attachement pour elle, son intelligence supérieure. Jamais animal ne lui avait offert un ensemble d'aussi brillantes qualités. Jamais un de ses précédents favoris ne lui avait causé d'aussi amers regrets. Généreuse dans l'infortune, elle n'adressait point de reproches à la mère Michel. Elle cherchait, au contraire, à calmer cette pauvre femme qui s'abandonnait sans réserve à la douleur. Elle lui disait un soir, « Que pouvez-vous contre un animal irrésistible ? La sagesse de l'homme consiste à ne pas se regimber contre le malheur, à se soumettre au décret du ciel. » Je suis de votre avis, répliqua la mère Michel. Si je croyais comme vous au décès de Moumoute, je me résignerais sans murmure. Mais j'ai l'idée qu'il vit encore. Je me le représente errant par la ville, en butte aux mauvais traitements, aux casseroles peut-être d'une multitude effrénée. Allez, vous vous abusez, mère Michel. Moumoute est mort, autrement il serait revenu près de nous. Quelque chose me dit qu'il est toujours de ce monde, et si madame la comtesse voulait avoir de ses nouvelles, elle n'aura qu'à s'adresser... À qui donc ? À notre voisine, madame Bradamore. Cette célèbre tireuse de cartes qui prédit l'avenir, enlève les taches de rousseur, lit dans le livre des destinées et guérit du mal de dents. Fi donc, mère Michel. Comment, vous qui êtes une femme sensée, pouvez-vous avoir confiance dans les jongleries d'une intrigante ? Mais, madame, je ne suis pas la seule. Les plus grands seigneurs rendent visite à madame Bradamore. Elle est plus savante et moins chère que ses compagnes, et ne demande que 20 écus pour vous faire voir le diable Astaroth. Assez de grâce, répondit sèchement la comtesse. La mère Michel se tut, mais son parti était pris, et dès qu'elle eut un moment de liberté, elle courut chez la nécromancienne. Celle-ci habitait un appartement spacieux et richement meublé, car elle gagnait beaucoup d'argent à tromper le public. Des tentures de velours noir, semées d'étoiles de clinquant, tapissaient son cabinet de consultation. Au centre, sur une table carrée, se dressaient des obélisques de fer blanc peint. Des bouteilles de LED, des cornues et divers instruments de physique, dont la prétendue sorcière ne connaissait pas même l'usage, mais qu'elle avait placé là pour imposer aux esprits faibles qui venaient la consulter. Elle montra d'abord quelque embarras à l'aspect de la mère Michel. Cependant, après avoir fermé une porte vitrée qui communiquait à d'autres pièces, elle revint saluer sa nouvelle cliente et dit d'un ton solennel « Que désirez-vous ? Interrogez le présent, le passé et l'avenir. » « Je suis à même de vous satisfaire, » répondit madame Bradamore. « Mais c'est le grand jeu que vous me demandez. Cela vous coûtera 3 écus. » « Les voici, je vous les donne de grand cœur. » Madame Bradamore, tout en regrettant de ne pas avoir exigé davantage, empocha l'argent et commença en ces termes. « Quel est le mois et le quantième de votre naissance ?»« Le 24 mai 1698. »« Quelles sont les premières lettres de votre prénom, de votre nom et du lieu de votre naissance ?»« A-R-M-N-L-S. » Madame Michel s'appelait Anastasie Ravegaud. Elle était, depuis 12 ans, veuve de François Michel, en son vivant essayeur de beurre salé à la Halle de Paris. Elle était née à Noisy-le-Sec. « Quelle est la fleur de votre choix ?»« Le topinambour. » Après ces questions d'usage, la pythonisse examina du marc de café versé dans une soucoupe et dit « Faldarus, génie des choses occultes, m'apprend que vous êtes à la recherche d'un être qui vous est cher. » La mère Michel bondit de surprise sur sa chaise. Madame Bradamore ajouta « Cet être n'est pas un homme, c'est un quadrupède, un chien ou un chat. Ariel, esprit céleste, me révèle que c'est un chat. » La mère Michel était de plus en plus satisfaite. Sans lui donner le temps de se remettre, la devineresse prit un paquet de cartes, les battit, les donna 3 fois à couper, les disposa sur la table d'un ordre symétrique et dit gravement « Votre chat est le valet de trèfle. Voyons ce qui lui arrive. Un, deux, trois, quatre, 10 de pique. Il est coureur à la manie des voyages. Il se met en route la nuit pour voir les curiosités de Paris. Un, deux, trois, quatre, la dame de pique. C'est une femme qui fabrique des fourrures d'hermine avec la peau des chats. Un, deux, trois, quatre, le valet de pique. C'est un chiffonnier. Un, deux, trois, quatre, le roi de pique. C'est un restaurateur. La réunion de ces trois personnes m'épouvante. Un, deux, trois, quatre, du trèfle. Un, deux, trois, quatre, encore du trèfle. Un, deux, trois, quatre, toujours du trèfle. Votre chat rapportera de l'argent à ces trois personnes. Le chiffonnier veut le tuer pour en vendre la peau à la fourreuse et le corps au restaurateur, qui l'offrira à ses pratiques en guise de lapin sauté. Le chat saura-t-il se soustraire à ses persécuteurs? Un, deux, trois, quatre, sept de pique. C'en est fait, madame. Votre chat n'existe plus. Ils l'ont mangé, les anthropophages! S'écria la mère Michel, atterrée par cette révélation. Et elle crut entendre un miaulement plaintif, dernier cri d'agonie de Moumoute. Mais ce n'était pas une illusion. Un chat avait miaulé. Il miaulait encore dans la chambre voisine. Un carreau de la porte vitrée fut tout à coup brisé en éclats, et Moumoute, en personne, tomba au pied de la mère Michel. Du haut d'une armoire, il avait aperçu sa gardienne affectionnée, l'avait appelée à plusieurs reprises, et, comme elle ne lui répondait pas, dans son délire, il s'était précipité contre la porte au travers de laquelle il venait de se frayer un passage. « Mon chat était chez vous !» dit la mère Michel. « Vous l'aviez volé ? Mais ma maîtresse est puissante. Ma maîtresse est la comtesse Yolande de la Grenouillère. Elle vous fera châtier comme vous le méritez. » En proférant ces menaces, la dame de compagnie mit Moumoute sous son bras et se prépara à sortir. Madame Bradamore l'arrêta en lui disant « Ne me perdez pas, je vous en conjure. Je n'ai pas volé votre chat. Mais comment se trouve-t-il chez vous ? Je le tiens d'un petit garçon nommé Faribole. Il m'a livré ce chat que je désirais avoir depuis longtemps et qui, par sa forme bizarre, par sa tournure en quelque sorte surnaturelle, pouvait figurer avec succès dans mes conjurations cabalistiques. Voilà la vérité, toute la vérité. Je vous en supplie, que votre maîtresse ne m'inquiète pas. Madame la comtesse agira comme elle l'entendra, répondit avec hauteur la mère Michel. Et elle disparut avec son chat. Elle ne fit qu'un pas de la maison Bradamore à l'hôtel. On eût dit qu'elle possédait les bottes de 7 lieues du petit Pousset. Elle ne s'arrêta que dans le salon, où elle arriva, haletante, sans pouvoir prononcer un seul mot. Elle montra Moumoute à Madame de la Grenouillère. Celle-ci, en reconnaissant l'animal, poussa un cri de joie si retentissant qu'on l'entendit jusque sur la place du Carrousel. L'eusse-tu cru assister à cette scène touchante. À l'aspect du chat, il fut tellement abasourdi que sa raison s'égara un moment. Il imagina que ce chat, tant de fois sauvé, était un être fantastique, capable de parler comme les bêtes des contes de fées, et il se dit en frissonnant « Je suis perdu, Moumoute va me dénoncer !»